Entre vous et moi, mon cher, il y a une certaine différence. Quand il s'agit de payer sa note, mon cher, votre argent ne vaut pas plus que le mien. Il se peut, mon cher. Mais si notre hôtesse a des égards pour moi, c'est que je le mérite plus que vous. Pour quelle raison, s'il vous plaît? Parce que moi, mon cher, je suis le marquis de Forlipopoli. Eh bien, moi, mon cher, je suis le comte d'Alba Fiorita. Oui, vous êtes comte. Votre titre vous a coûté assez gros. J'ai acheté mon comté au moment même où vous vendiez votre marquisat. Oh, je vous en prie, mon cher, je suis quelqu'un, moi. Et l'on me doit le respect. Oh, qui songe à vous manquer de respect? C'est vous-même qui, en le prenant trop... Si je suis descendu ici, c'est que j'aime l'hôtesse. Tout le monde le sait. Et j'entends que tout le monde respecte une jeune femme qui a l'honneur de me plaire. Oh, voici ma foi qui est plaisant. Voudriez-vous par hasard m'interdire d'aimer Mirandoline? Oui. Pourquoi donc croyez-vous que je sois descendu à Florence? Pourquoi donc croyez-vous que je sois descendu dans cette auberge? Peu importe, vous n'arriverez à rien. Moi, je n'arriverai à rien, tandis que vous... Tout juste! Je suis quelqu'un, moi. Et Mirandoline a besoin de ma protection. Mirandoline a besoin d'argent et non de protection. Oh, l'argent! Cela court les rues, l'argent! Moi, monsieur le marquis, je dépense un sequin par jour. Et je fais sans cesse des cadeaux à Mirandoline. Et moi, ce que je fais, monsieur, je ne le dis pas. On a quelqu'un? Monsieur désire? Monsieur, qui t'a appris les bonnes manières? Que monsieur me pardonne si je me suis permis d'appeler monsieur, monsieur. Eh bien, Fabrice, comment va votre charmante patronne? Elle va bien, illustrissime. Elle est élevée? Oui, illustrissime. En beauté. Pourquoi cela, illustrissime, monsieur? Qui en as-tu avec ton illustrissime? C'est le titre que je viens également de donner à monsieur le comte. Eh bien, entre lui et moi, il y a une certaine différence. Vous entendez, Fabrice? Il dit vrai, monsieur le comte. Je m'aperçois de la différence quand je fais ma caisse. Il va dire à ta patronne de venir me trouver. Je viens lui parler. Je vais le lui dire, excellence. Je ne me suis pas trompé cette fois, hein? Excellence! Oui, cela peut aller. Il y a 3 mois que tu sais comment il faut m'appeler, mais tu es un impertinent. Je suis aux ordres de votre excellence. Fabrice, veux-tu voir la différence qu'il y a entre le marquis et moi? Comment cela? Tiens, Fabrice, te voici un sequin. Tâche qu'il t'en donne un également. Merci, illustrissime. Excellence. Non, je ne me jette pas mon argent par les fenêtres comme certains fous. Va-t'en. Que le ciel vous bénisse, illustrissime monsieur le comte. Excellence. Mais va, te dis-je. Croyez m'écraser avec vos largesses. Mais vous vous trompez. Mon rang, monsieur, vaut toutes vos pièces de monnaie. De toute manière, Mirandoline ne fait pas le moindre cas de vous. Croyez-vous donc que votre titre ronflant l'impressionne? Non. Ce qu'il lui faut, c'est de l'argent. De l'argent? Ce qu'il lui faut, c'est la protection de quelqu'un comme moi. De quelqu'un qui peut, le cas échéant, lui rendre un service. Oui, de quelqu'un qui puisse, le cas échéant, lui prêter 100 doublons. Non, vous ne savez pas ce que vous dites, mon cher. Je le sais mieux que vous, mon cher. Mes amis, mais pourquoi ce bruit? Seriez-vous en désaccord? Bon, un peu, mon cher chevalier. Nous disputions sur un point d'importance. Mmh. Monsieur le comte, disputait avec moi sur les mérites de la noblesse. Je ne conteste pas les mérites de la noblesse. Mais je soutiens que pour se passer des caprices, il faut de l'argent. Ma foi, mon cher marquis. Oui, alors, parlons d'autre chose. Mais qu'est-ce qui vous a amené à vous quereller de la sorte? Le motif le plus ridicule du monde. Oh, bravo! Bravo! Le comte tourne tout en ridicule. Monsieur le marquis aime notre hôtesse. Moi, je l'aime encore plus que lui. Il prétend être payé de retour comme un tribut à sa noblesse. Moi, j'espère l'être en récompense de mes attentions. Ne vous semble-t-il pas que la question soit ridicule? Et il faut savoir avec quelle ardeur je protège Mirandoline. Il la protège, et moi je dépense. Ma foi, il n'est pas de chose qui mérite moins que l'on se dispute pour elle. En tout cas, moi, il n'y a certes pas de danger que je me querelle jamais avec quelqu'un à propos d'une femme. Moi, messieurs, je n'ai jamais aimé les femmes, je ne les ai jamais estimées, Et je soutiens hautement que la femme est pour l'homme une véritable infirmité. Oh, chevalier, Mirandoline est une femme exceptionnelle. Exquise, adorable. Exceptionnelle, exquise, adorable. Ah, vous me faites rire. Il y a 3 jours que je suis ici et je l'ai suffisamment regardée pour savoir que c'est une femme comme les autres. Oh non, oh, elle n'est pas comme les autres. Du reste, puisque je l'aime, moi, vous pouvez être sûr qu'il y a en elle un je ne sais quoi de grand, de noble, qui vous enchaîne. Par la barbe de Bacchus, j'ai l'habitude des femmes. J'en connais les défauts et les faiblesses. Mais celle-ci, malgré une cour assidue, malgré toutes les dépenses que j'ai faites pour elle, je n'ai même pas pu lui caresser le petit doigt. Rory. Non. Rory suprême. Ah, pauvre Nigo que vous êtes. Vous vous y êtes laissé prendre, n'est-ce pas? Mais avec moi, ça ne marcherait pas. Au diable les femmes, au diable toutes, autant qu'elles sont. Vous n'avez donc jamais été amoureux? Jamais, et je ne le serai jamais. Oh, on a fait des pieds et des mains pour me marier, mais je m'y suis toujours refusé. Oh, ma foi, mon cher. Salut humblement, vos seigneuries. Mirandoline, je suis votre humble serviteur. Oh, Mirandoline, je vous souhaite le bonjour. N'est-ce pas qu'elle est divine? Le plus médiocre chien de chasse a plus de beauté pour moi. Que vos seigneuries me pardonnent de les importuner, mais j'aimerais savoir si vos seigneuries ont quelques désirs à formuler. Mirandoline, j'ai à vous parler. Je vous écoute, Excellence. Ah non, non, pas ici. Dans ma chambre. Dans la chambre de votre Excellence? Mais si votre Excellence a besoin de quelque chose, Fabrice est à votre disposition. Oh, chevalier, que dites-vous de cette réserve? Ce que vous nommez réserve, je le nommerai plutôt, moi, effronterie et impertinence. Non. Cher Mirandoline, moi, je vous parlerai en public, car je ne veux pas vous donner le dérangement de venir jusque dans ma chambre. Regardez ces boucles d'oreilles. Vous plaisent-elles? Elles sont fort belles. Vous savez, ce sont des diamants. Oh, je l'avais bien vu. Je m'y connais. Elles sont à vous. Bon. Mais pourquoi monsieur le comte me donnerait-il ces boucles d'oreilles? Mirandoline, je vous prie de les accepter pour l'amour de moi. Non, vraiment, monsieur le comte, je ne puis. Vous me fâcherez si vous ne les prenez pas. Je ne sais que dire. Je vous en prie, Mirandoline. Je tiens à cœur de me garder l'amitié des clients de ma maison. Je suis donc bien forcée de prendre ces boucles d'oreilles pour ne pas fâcher monsieur le comte. Bien, chevalier, que dites-vous de cette grâce dans la répartie? Ah oui, vous pouvez parler de grâce dans la répartie. Elle croque vos diamants et ne vous remercie même pas. Et quand vous pouvez être fier de vous, faire des cadeaux à une femme en public, quelle vanité! Mirandoline, moi, je suis gentilhomme, et c'est pourquoi je désire vous parler entre quatre yeux. Dès que l'on n'aura plus besoin de moi autre part, je viendrai. Dites-moi, patronne, le linge que vous m'avez donné ne me plaît pas. Si vous n'en avez pas de meilleur, j'en ferai acheter par mon valet. Que monsieur ne se donne pas cette peine. Monsieur va en avoir du meilleur. Monsieur va être servi selon ses désirs. Bien. Mais il me semble que monsieur aurait pu réclamer avec un peu plus de gentillesse. Là où je paie de mon argent, je ne vois pas la nécessité de faire des cérémonies. Ayez de l'indulgence pour lui, c'est l'ennemi juré des femmes. Je n'ai pas besoin de son indulgence. Mais que vous ont-elles fait ces pauvres femmes, monsieur le chevalier? Pourquoi cette cruauté envers nous? Il suffit, et ne vous permettez plus ces familiarités avec moi. Changez mon linge, c'est tout ce que je vous demande. Bien, monsieur le chevalier. Mes amis, je suis votre humble serviteur. Oh, quel sauvage! Je n'ai jamais vu son pareil. Chère Mirandoline, tout le monde ne sait pas reconnaître vos mérites. Ma foi, je suis si écœurée de son mauvais procédé que tout à l'heure, je vais lui donner carrément congé. Voyons, c'est ça, c'est ça. Et s'il refuse de s'en aller, dites-le-moi. Ne craignez pas de faire appel à ma protection. Moi, je vous dédommagerai de votre manque à gagner. Écoutez, Mirandoline, pendant que vous y êtes, renvoyez donc aussi le marquis, je vous indemniserai. Merci, mes bons messieurs, merci. Mais je suis assez grande pour dire moi-même à un voyageur que je ne veux pas de sa clientèle. Oh, quant au manque à gagner, je n'ai jamais une seule chambre libre. Monsieur le comte, il y a quelqu'un qui vous demande. Cela? Je crois que c'est un joaillier. Je viens. Bien illustrissime. Vous permettez, Mirandoline? Mais voyons, monsieur le comte. À bientôt, Mirandoline. Marquis, je vous salue. Ah, vraiment, monsieur le comte est trop généreux. Ah, que voulez-vous? Il est de ces gens qui s'imaginent qu'on peut gagner le cœur d'une femme comme vous avec des cadeaux. Oh, vous savez, les cadeaux n'ont jamais fait de mal à personne. Ah, moi, je croirais vous faire injure en cherchant à vous obliger par des présents. Monsieur le marquis peut être sûr qu'il ne m'a jamais fait injure. Mais en revanche, vous pouvez disposer de moi dans toute la mesure de vos moyens. Mettez-moi à l'épreuve pour vous. Je suis capable de tout. Oh, de quoi, par exemple? Oh, corbleu, vous avez un mérite qui surprend. Oh, votre Excellence est trop indulgente. Ah, si je ne m'en retenais pas, je dirais presque une sottise, oui. Oui, je maudirais presque mon rang. Pourquoi cela, monsieur le marquis? Parfois, je souhaiterais même être à la place du comte. Sans doute à cause de sa fortune. Sa fortune? Ah, je m'en soucie comme d'une guigne de sa fortune, non. Non, si j'étais comme lui, un comte pour rire. Que feriez-vous? Ce que je ferais? Oui. Eh bien, par les cornes du diable, je vous épouserai. Oh, monsieur le marquis plaisante. Ah non, je ne plaisante pas, et c'est pourquoi je m'en vais. Avant d'oublier tout à fait que je suis un formidable poli. Patronne! Qu'a-t-il? Le voyageur qui est dans la chambre du milieu pousse Léo cri au sujet du linge. Il dit qu'il est ordinaire et qu'il n'en veut pas. Je sais, il me l'a dit à moi aussi, je vais m'occuper de lui. Très bien. Venez donc prendre ce qu'il faut dans l'armoire que je puisse le lui porter. T'occupe pas de ça, je lui porterai moi-même. Ah, et il faut que ce voyageur vous tienne bien à cœur. Tous les voyageurs me tiennent à cœur, Fabrice. Évidemment. Mais du temps de votre père, c'était toujours moi qui m'occupais des voyageurs. Et tu n'es pas assez aimable avec eux. Et vous l'êtes un peu trop. Je sais ce que je fais, je n'ai pas besoin d'ascenseur. Bon, vous pouvez vous chercher un autre valet. Pourquoi cela, monsieur Fabrice? Monsieur Fabrice, en aurait-il assez de moi? Vous vous souvenez de ce que nous a dit votre père avant de mourir? À la fin, pour qui me prends-tu? Si je traite bien les voyageurs, c'est dans mon intérêt que je le fais, pour le bon renom de ma maison. Et ne t'inquiète pas, quand je voudrai me marier, je me rappellerai ce qu'a dit mon père. Et ceux qui m'auront bien servi ne pourront pas se plaindre de moi. Je suis reconnaissante, je sais distinguer le mérite. Mais moi, on me méconnaît. Oh, madame! Il suffit, Fabrice. Comprenez-moi, si vous le pouvez. Oh, là, là, là, là, là, là, là! Si vous croyez que c'est une vie... Entrez! Cher ami, voyez-vous un inconvénient à ce que je vienne passer un petit moment avec vous? Oh, mais c'est un honneur que vous me faites, marquis. Vous et moi, nous pouvons traiter sur un pied d'égalité, mais cette brute de comte n'est pas digne de notre compagnie. Cher marquis, excusez-moi, mais si vous ne voulez pas que l'on dise du mal de vous, n'en dites pas d'autrui. Ah, vous savez comme je suis de nature, courtois, avec tout le monde. Mais cet homme-là, je ne peux pas le souffrir. Mais vous ne pouvez pas le souffrir parce qu'il est votre rival en amour. Quelle honte, un gentilhomme de votre rang, c'est prendre une aubergiste. Ah. Un sage tel que vous, courir après une femme. Que voulez-vous, celle-ci m'a ensorcelé. Oh, ensorcelé, faribole que tout cela. Et comment se fait-il que moi, les femmes ne m'ensorcellent pas? C'est que tout leur pouvoir magique se réduit à des grimaces et à des minauderies. Et que ceux qui, comme moi, s'en tiennent à l'écart ne risquent pas de se laisser envoûter. Oui, allons, assez sur ce sujet. Qui du reste m'occupe sans m'occuper. Non, ce qui me tracasse et m'inquiète, c'est mon métayer. Il a fait des siennes. Ah oui, il m'a manqué de parole. Oh, je suis désolé. Voici votre chocolat, illustrissime. Donne une autre tasse. Mais il n'y en a que pour un, illustrissime. Eh bien, qu'on en fasse d'autres. Rien, illustrissime. Marquis, si vous daignez accepter cette tasse... Oh, volontiers. Oui, je disais donc que mon satané métayer m'avait formellement promis de m'envoyer la somme de 20 sequins. Et il ne m'a pas envoyé. Bon, ce sera pour une autre fois. Ah, oui, mais... Mais l'ennui, c'est que j'ai d'importants engagements à remplir et je ne sais comment faire. 8 jours de plus, 8 jours de moins... Vous êtes gentilhomme, vous savez ce que c'est quand on a donné sa parole. Je me suis engagé à avoir les pampres de Bacchus. Si je tenais ce maudit métayer, je le rouerais de coups. Je suis fâché de vous voir ennuyé, mais... Ouais, mais cela vous dérangerait-il beaucoup de me rendre le service? Oh, pour 8 jours. Mon cher marquis, croyez bien que... Si je le pouvais, je vous aurais offert cet argent sur le champ, mais je n'en ai pas, et moi aussi, j'en attends. Vous ne voudriez pas me faire croire que vous êtes tout à fait démuni. Ah, mais tenez, regardez, voici toute ma fortune. Il n'y a même pas 2 sequins. Mais c'est un sequin d'or que vous avez là. Ah oui, oui, et c'est aussi le dernier. Bah, prêtez-le-moi, hein, je cela me permettra d'attendre. Mais il ne me restera plus rien. De quoi avez-vous peur? Je vous le rendrai. Ah, que voulez-vous que je vous dise? Prenez. Oh, merci, mon ami, merci. Mais une affaire urgente m'appelle. Pardonnez-moi, je suis obligé de vous quitter. Je vous reverrai à déjeuner. Entrez. Votre illustrissime seigneurie permet-elle? Que voulez-vous? J'apporte à votre seigneurie du linge de meilleure qualité. Posez ça là. Hein? Je supplie votre seigneurie de daigner au moins regarder si ce linge me convient. C'est de la toile? Mais c'est du fil, illustrissime, du fil. Du fil? Ah oui, du pur fil, monsieur le chevalier, à 30 paoli, l'aune. Regardez. Non, mais je n'en demandais pas tant. Il me suffisait d'avoir des draps un peu plus fins que ceux que vous m'avez donnés. C'est gracieux, je les ai ourlés et brodés moi-même à l'attention des voyageurs de qualité. Et quand je dis des voyageurs de qualité, j'entends surtout ceux qui savent reconnaître ce qui est beau. Mais pour vous parler franchement, illustrissime, je vous les donne parce que c'est vous. Un autre, je crois bien que je ne les donnerai pas. Parce que c'est vous, la formule habituelle. Et maintenant, examinez le service de table de la vraie toile de Flandre. Bon, posez ce linge quelque part. Inutile que vous vous donniez tout ce mal. Oh, servir des gentilshommes du plus haut mérite, ce n'est pas se donner du mal. Au contraire. Je vais le mettre dans la commode. Mettez-le où vous voudrez. Que désirez-vous pour déjeuner? Je mangerai ce qu'il y aura. J'aimerais pourtant connaître les goûts de monsieur. S'il a des préférences, qu'il le dise franchement. Si je désire quelque chose de particulier, je le dirai aux garçons. Non, pour ces choses-là, les hommes n'ont pas la même compréhension et la même patience que nous autres femmes. Si vous avez par hasard envie d'un petit ragoût, d'une petite sauce spéciale, ayez l'obligeance de me le dire. Je vous en prie. Je vous remercie. Mais ce n'est pas non plus par ce biais que vous réussirez à faire de moi ce que vous avez fait du comte et du marquis. Ah oui, n'est-ce pas? Mais que dites-vous de la présomption de ces deux gentilshommes? Ils arrivent dans une auberge pour y loger? Et ils prétendent ensuite filer le parfait amour avec l'hôtesse. Oh, j'ai bien autre chose en tête que de prêter l'oreille à leur fadaise. J'ai à gagner ma vie, moi. Et si je consens parfois à leur dire une parole aimable, c'est parce qu'il faut toujours être poli avec les clients. Et quand je les vois se flatter de je ne sais quelles illusions, cela me fait rire comme une folle. Ma foi, votre sincérité me plaît. Oh, la sincérité est bien ma seule qualité. Cependant, lorsqu'on vous fait la cour, il me semble que vous savez feindre. Moi, feindre? Le ciel m'en préserve. Demandez un peu à ces deux messieurs qui prétendent se mourir d'amour pour moi, si je leur ai jamais donné la moindre marque d'affection. Ah, certes, je ne les rabroue point. Mon intérêt me l'interdit. Mais ils s'en foutent peu. Moi, les hommes à femmes, je ne peux pas les voir. De même que j'aborde les femmes qui courent après les hommes. Ah, voyez-vous, je ne suis plus une enfant, je ne suis pas particulièrement belle. Mais j'ai eu pourtant bon nombre d'occasions de me marier très avantageusement. Eh bien, ces occasions, je n'ai jamais voulu en profiter, car j'estime trop ma liberté. Oh oui, la liberté est un grand trésor. Il y a tant de gens qui la perdent sottement. Mais qu'est-ce que j'ai en train de dire là? Votre illustrissime seigneurie est sans doute mariée. Le ciel m'en préserve, les femmes, je n'en veux pas. Oh, comme vous avez raison. Puissiez-vous toujours penser de la sorte, car les femmes, monsieur, sont... Oh, mais il suffit. Ce n'est pas à moi d'en dire du mal. Oh, vous êtes bien la première femme que j'entende parler ainsi. C'est que nous autres aubergistes voyons et entendons pas mal de choses. Et en vérité, je suis pleine d'indulgence pour les hommes qui ont de l'éloignement pour notre sexe. Et maintenant, avec la permission de votre illustrissime seigneurie. Vous êtes pressée? Oh, je ne voudrais pas être importune. Non, vous me divertissez, vous m'amusez. Mais vous voyez, monsieur, c'est comme ça que je fais avec les autres messieurs. Je m'attarde un instant, je me montre gaie, je dis quelques petites plaisanteries. Il se figure tout de suite. Enfin, vous me comprenez. Mais oh, tout cela, c'est parce que vous avez de gracieuses manières. Oh, votre illustrissime seigneurie est trop bonne. Et pourtant, s'ils s'éprennent aussi vite de vous, c'est peut-être à vous-même qu'il faut vous en prendre. Mais a-t-on idée de s'éprendre aussi vite d'une femme? Ah, c'est évidemment là une chose que je n'ai jamais pu comprendre. Le contraire s'expliquerait mieux. Nous autres femmes n'avons pas votre force d'âme. Une force d'âme dont la faiblesse de certains de mes pareils me fait bien souvent douter. Il ne faut pas en douter. Oh, monsieur le chevalier, donnez-moi votre main. Pourquoi? Je vous en prie, monsieur le chevalier. Oh, merci, monsieur le chevalier. C'est la première fois que j'ai l'honneur de tenir dans ma main celle d'un homme qui pense vraiment en homme. Allons, cela suffit comme ça. Ah oui. Oh, si j'avais simplement effleuré la main de l'un de ces deux effrontés, il aurait aussitôt cru que je me mourais d'amour pour lui et serais tombée en défaillance. Mais pour tout l'or du monde, je ne leur permettrai pas la plus petite privauté. Ils ne savent pas vivre. Et pourtant, quelle joie de pouvoir converser ainsi, sans contrainte, sans avoir à se défendre contre des entreprises aussi sottes que déplaisantes. Oh, mais pardonnez mon impertinence, illustrissime. En tout ce que je puis faire pour vous servir, je suis à vos ordres. Et j'aurai toujours pour vous des attentions que je n'ai jamais eues pour personne d'autre. Mais qu'est-ce donc qui me vaut cette partialité? Votre mérite, votre rang. Mais aussi, et surtout, c'est qu'avec vous, je suis du moins sûre de pouvoir agir selon mon cœur, sans avoir à redouter que vous songiez à vous prévaloir de mon empressement pour me traiter plus mal qu'une servante. En un mot, sans avoir à redouter que vous m'accabliez de prétentions ridicules et de serments pipés. Allons, si vous avez affaire, je m'en voudrais de vous retenir davantage. Oui, monsieur, je vais m'occuper des choses de la maison. C'est là toutes mes amours et mon plus agréable passe-temps. Si vous avez besoin de quelque chose, je vous enverrai le valet. Bien. Mais si vous revenez vous-même de temps en temps, je vous verrai volontiers. À la vérité, j'ai pour règle de ne jamais mettre les pieds dans la chambre des voyageurs. Mais pour vous, j'y ferai peut-être parfois exception. Pourquoi pour moi? Parce que votre illustrissime seigneurie me plaît infiniment. Moi, je vous plais? Oui, parce que vous n'êtes pas un homme à femme et que vous n'êtes pas de ceux qui s'amourachent de la première venue. Attention. Voici une femme qui, si je n'y prenais pas garde, pourrait mieux que les autres me faire trébucher. Mais ce n'en est pas moins une femme. Demain, je serai à Livourne. Seigneurie, veulent bien s'installer ici, le temps que l'on prépare leurs appartements. Bien, bien. Qui êtes-vous, le patron ou le valet? Je ne suis que le valet aux ordres de votre illustrissime seigneurie. Dites à votre patron de venir ici. Je désire m'entendre avec lui sur les conditions. Je cours sur le champ chercher la patronne. Il nous a prises pour deux femmes de qualité. Tant mieux, nous n'en serons que mieux traitées. Mais aussi nous risquons de payer davantage. Ne t'inquiète pas pour la note, j'en fais mon affaire. Il y a assez longtemps que je pars pour le monde. Oh, je ne voudrais pas que notre anoblissement nous attira des ennuis. Ma chère Déjanire, tu manques vraiment de courage. Pourquoi voudrais-tu que deux comédiennes qui excellent à jouer les comtesses, les marquises et les princesses sur la scène d'un théâtre aient de la difficulté à tenir un rôle analogue sur celle d'une auberge? La patronne va être là dans l'instant. Bien. En attendant, je supplie vos illustrissimes seigneuries de me faire l'honneur de me donner leur nom très honoré, afin que je l'inscrive sur ce petit registre. Ma chère, c'en est fait de notre noblesse. Tais-toi. Baronne Hortense Del Poggio, Hortense de Palerme. Une Sicilienne. Elle doit avoir le sang chaud. Et votre seigneurie? Moi? Eh bien... Allons, comtesse Déjanire. Dites-lui votre nom. S'il plaît à votre seigneurie. Eh bien, vous ne l'avez pas entendu? Son illustrissime seigneurie, madame la comtesse Déjanire. Quel nom de famille? Il vous faut aussi le nom de famille. Dal Sole, de Rome. C'est tout ce qu'il me faut. Que vos illustrissimes seigneuries me pardonnent mon indiscrétion. Maintenant, madame va être là d'un instant à l'autre. Je suis la très humble servante de madame la baronne. Comtesse, je vous salue. À quelle bonne fortune dois-je l'immense joie de pouvoir vous exprimer mon très profond respect. De la source de votre cœur ne peuvent jaillir que les torrents. Oh, baronne, vous me flattez. Comtesse, pour rendre justice à vos mérites, il faudrait une bien plus grande éloquence que la mienne. J'ai une telle envie de rire que j'en étouffe. Je salue humblement vos seigneurs. Bonjour, petite, bonjour. Madame la patronne, je vous salue bien. Attention, ma chère, tu es comtesse. Votre seigneurie permet-elle que je lui baise les mains? Vous me le demandez si poliment que je ne puis refuser. Et votre seigneurie? Mais non, ce n'est pas la peine. Allons, ma chère, faites ce plaisir à cette jeune femme. Elle est si polie. Je vous en prie. Tenez. Mais qu'est-ce donc qui fait rire ainsi votre illustrissime seigneurie? Cette chère comtesse rit encore d'une sottise que j'ai dite tout à l'heure. Ah oui? Oui. Et maintenant, petite, il va falloir que nous nous mettions d'accord sur les conditions. Mais ces dames ne sont sans doute pas celles. Mais si! Certes, le baron, mon mari... Ah, madame la comtesse semble d'humeur très gaie. Eh bien, comtesse, qu'avez-vous à rire maintenant? Je ris, baronne, parce que je pense à votre baron de mari. Certes, le baron est un joyeux cavalier. Il plaisante tout le temps. Le comte Horace, qui est le mari de madame, et lui vont bientôt venir nous rejoindre. Voyons, comtesse. Madame la comtesse rirait-elle maintenant parce qu'elle pense à monsieur le comte? Allons, allons, comtesse, dominez-vous un peu. Oh, mesdames de grâce, nous sommes seuls et personne ne peut nous entendre. Ce comté, cette baronnie, ne serait-il pas par hasard... Que voulez-vous dire? Songeriez-vous à mettre en doute notre noblesse? Oh, que votre seigneurie me pardonne et je la supplie de ne point s'emporter. Car cela ferait encore rire madame la comtesse. Voyons à quoi bon... Comtesse, je vous en prie. Madame la comtesse, je crois savoir ce que voulait dire votre illustrissime seigneurie. S'il en est ainsi, j'ai plutôt de l'admiration pour vous. Votre seigneurie, madame la comtesse, voulait dire... À quoi bon jouer les grandes dames puisque nous sommes de roturières? N'est-ce pas que j'ai deviné juste? Eh bien oui. Vous nous connaissez donc? Quelle bonne comédienne. Incapable de soutenir son personnage jusqu'au bout. Oh, ben moi, je ne sais feindre que sur scène. Bravo, madame la comtesse, j'aime votre franchise. Pardon, pardon. Je ne vous dérange pas. C'est un gentilhomme qui loge ici, riche. Et je suis le serviteur de vos seigneuries. Votre très humble servante, monsieur. Je vous salue respectueusement. Ces dames sont étrangères. Oui, oui, Excellence. Elles ont bien voulu honorer ma maison de leur présence. Peut-on savoir qui sont ces dames? Madame est la baronne Hortense del Poggio. Et madame, la comtesse Déjanire dal Sole. Oh, très grande famille. Et vous, monsieur, qui êtes-vous? Moi, je suis le marquis de Forlì-Poppoli. C'est un honneur et une joie pour moi que de faire la connaissance d'un gentilhomme aussi accompli. Si je puis vous être utile en quoi que ce soit, disposez de moi. Je suis ravi que vous soyez venu loger ici. Oh, vous verrez, la patronne est une femme exceptionnelle. Ce gentilhomme est plein de bonté pour moi. Il m'honore de sa protection. Oui, certainement. Je la protège. Et je protège aussi tous ceux qui descendent chez elle. Ainsi, si vous avez besoin de la moindre chose, je vous le répète, disposez de moi. Le cas échéant, je me prévaudrai de votre obligeance. Et vous aussi, comtesse, usez de moi, je vous en prie. Oh, certes, si j'ai l'honneur d'être comptée au nombre de votre très humble servante, j'aurai lieu de m'estimer heureuse. Oh, monsieur le marquis, quel superbe mouchoir vous avez là. Qu'en dites-vous? Il est beau, n'est-ce pas? Et j'ai assez bon goût. Oh, certes, monsieur le marquis a le meilleur goût du monde. Baronne, en avez-vous jamais vu d'aussi beau? Il est splendide. Je n'en ai jamais vu de pareil. C'est un mouchoir qui vient tout droit de Londres, comtesse. Oh, il est vraiment splendide. Il me plaît beaucoup. Et j'ai assez bon goût. Mmh. Ce n'est certes pas le compte. Tu achèterais un mouchoir comme celui-là. Alors, tandis que monsieur le marquis s'y connaît, lui. Il sait choisir et voir ce qui est vraiment beau. Et oui. Ce mouchoir demande à être plié très soigneusement. Oui, afin qu'il ne s'abîme pas. Tenez. Vous désirez que je le fasse porter dans votre chambre? Ah non. Portez-le dans la vôtre. Dans la mienne? Comment cela? Parce que je vous le donne. Oh, excellence, pardonnez. Oui, c'est ainsi. Ah. Je vous le donne. Mais je n'en veux pas, moi. Ah, ne me faites pas mettre en colère. Oh, quant à cela, monsieur le marquis, c'est que je ne veux fâcher personne. Ainsi, pour que vous ne vous mettiez pas en colère, je le prends. Oh, le beau jeu de scène. Et après, on parlera des comédiennes. Eh, baronne, qu'en dites-vous? Un mouchoir de cette valeur, et je le donne à mon hôtesse. Vous êtes un gentilhomme généreux. Oui, c'est ma nature. Monsieur le marquis, est-ce que l'on trouve des mouchoirs comme celui-ci à Florence? Je souhaiterais vivement en avoir un semblable. Ah, trouver le frère de celui-ci sera difficile, mais nous verrons. Cher monsieur le marquis, faites-nous donc l'honneur de nous tenir un peu compagnie. Oui, faites-nous l'honneur de déjeuner avec nous. Oh, mais volontiers. Je n'ai pas jalouse, je suis vôtre tout entier, vous le savez oh, bien. Oh, faites donc, monsieur le marquis, je suis contente que vous vous divertissiez. Vous serez notre cavalier servant. Nous ne connaissons personne à Florence que vous. Oh, chère dame, mais c'est de grand cœur que je vous servirai. Ah, Mirandoline, je vous cherchais pas. J'étais ici avec ces nobles dames. Mesdames, je m'incline humblement devant vous. Je suis votre dévoué servant. J'ai l'impression que celui-ci est plus argenté que l'autre. Que veux-tu que ça me fasse? Moi, je ne sais pas qu'émander. Mirandoline. Monsieur le marquis. Montrez donc votre mouchoir au comte. Regardez, monsieur le comte, le beau cadeau que vient de me faire monsieur le marquis. Oh, j'en suis ravi. Bravo, marquis. Oh, je n'ai rien, rien. Tu as une bagatelle. Non, je vous en prie, rangez-le, Mirandoline. Je ne veux pas que vous en parliez. Non, ce que je fais ne doit pas se savoir. Mirandoline, avec la permission de ces dames, je voudrais vous dire un mot. Agissez en toute liberté. Alors, et si vous mettez ce mouchoir dans votre poche, vous allez l'abîmer. Eh bien, je le mettrai dans du coton, afin qu'il ne se froisse point. Regardez ce petit pendentif. Oh, il est magnifique. C'est le compagnon des boucles d'oreilles dont je vous ai fait présent. Oh, c'est peut-être leur compagnon, mais il est encore plus beau. Allons. Pour que vous ayez la parure complète, je vous donne également ce bijou. Il n'est absolument pas question que je le prenne. Vous n'allez pas me faire cette impolitesse. Oh, les impolitesses n'est pas mon genre. J'accepte donc, pour ne pas vous fâcher. Eh bien, monsieur Marquis, qu'en dites-vous? Ce bijou, n'est-il pas d'un goût exquis? Bon, dans son genre, mon mouchoir est d'un bien meilleur goût. Peut-on savoir qui est votre seigneurie? Je suis le comte d'Alba Fiorita, pour vous servir. Oh, peste! Une famille illustre, je la connais. Je suis également à vos ordres, madame. Et vous logez ici, comte? Oui, madame. Et vous comptez y rester longtemps? Je crois bien que oui. Mais ces dames doivent être là. Voulez-vous que je vous accompagne jusqu'à vos appartements? Très obligé, marquis. Et d'où êtes-vous, comte? De Naples. Oh, mais nous sommes presque pays. Moi, je suis de Palerme. Et moi, de Rome. Mais j'ai séjourné à Naples. Et je souhaitais justement rencontrer un gentilhomme napolitain au sujet d'une mienne affaire. Je suis à votre disposition, mesdames. Vous êtes seule. Vous n'avez pas de cavalier servant. Comte, cette dame... Oui, monsieur le comte, nous sommes seuls. Mais nous allons vous expliquer pourquoi. Mirandoline. Monsieur le marquis. Monsieur le comte. Faites servir un repas pour trois dans mon appartement. Mesdames, daignerez-vous me faire le plaisir? Comment se dérober à tant de folie? Non, mais ces dames m'ont invité, moi. Ces dames sont libres d'agir à leur guise, mais je vous préviens qu'on ne peut pas tenir plus de trois à ma petite table. Ah, oh, ben, il faudrait bien voir que... Venez, monsieur le comte. Monsieur le marquis nous fera l'honneur de sa présence. Si vous trouvez ce mouchoir, monsieur le marquis, pensez à moi. Mon comte, vous me le paierez. De quoi vous plaignez-vous? Je suis quelqu'un, moi, il n'en agit pas ainsi. Oui, mais il suffit. Ah, il voudrait un mouchoir. Un mouchoir de cette qualité. Eh bien, elle ne l'aura pas. Les Mirandolines, prenez-en bien soin. Hein. Les mouchoirs de cette sorte, on n'en trouve pas. Des diamants, oui, on en trouve. Ah oui, mais des mouchoirs de cette sorte, oh non. Non. Chère Mirandoline, vous ne m'en voudrez pas trop si je me mets un peu aux ordres de ces deux nobles dames. Mais pas le moins du monde, monsieur le comte. Du reste, tout cela, c'est pour vous que je le fais. Oui, c'est pour augmenter le chiffre de vos bénéfices. Par ailleurs, je suis vôtre. Mon cœur est vôtre et vôtre mes richesses. Au revoir, Mirandoline. Il me semble que ce matin, on déjeune plutôt que d'habitude. C'est qu'on vous a servi avant tout le monde. Monsieur le comte d'Alba Fiorita a eu beau jurer, tempêter, dire qu'il voulait être servi le premier. La patronne a tenu que l'on servit d'abord votre illustrissime seigneurie. Et elle m'a demandé de lui dire si ce potage plaisait à votre illustrissime seigneurie, car elle l'a préparé de ses propres mains. Vraiment, elle me soigne. Succulent, ce potage. Tu peux lui dire que je l'ai apprécié et que je la remercie. Je lui dirai, illustrissime. Et tout de suite, va lui dire tout de suite. Tout de suite. Obéiras-tu, oui ou non? J'y cours, illustrissime, j'y cours. Oh. Vous permettez? Bastien? Oui, oui, illustrissime. Madame, j'allais justement vous dire de la part de mon maître que le potage... Mais non, imbécile, débarrasse donc madame au lieu de bavarder. Oh, je vous en prie, excellence. Laissez-moi l'honneur de poser moi-même ce plat devant vous. Mais servir à table n'est pas votre fait. Oh, monsieur, que suis-je donc, une grande dame? Non. Je ne suis que la dévouée servante de ceux qui me font l'honneur de descendre chez moi. Et vraiment, il me serait tout à fait égal de servir moi-même tous mes clients. Si je ne le fais pas, c'est pour certaines raisons. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais avec vous, ces raisons n'existent pas. Et je fais volontiers. Quel est ce plat? Oh, un petit ragoût que j'ai préparé de mes propres mains. Oh, il doit être bon. Si c'est vous-même qui l'avez préparé... Il doit être bon. Oh, monsieur est trop indulgent. Je ne sais pas faire grand-chose. Mais je voudrais tant être plus habile pour pouvoir contenter un gentilhomme aussi accompli. Demain, je serai à Livourne. Comment? Oh, rien, rien. Si vous avez affaire, ne vous dérangez pas pour moi. Oh, monsieur, j'ai tout mon temps. J'aurais tellement plaisir à savoir si ce plat est de votre goût. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. C'est très bon. C'est même exquis. Quelle saveur. Et je suis incapable de dire comment c'est fait. Ah, c'est que j'ai mes petits secrets, monsieur. Mes petits talents. Donne-moi à boire, Bastien. Avec ce plat, monsieur, il ne faut pas boire n'importe quoi. Donne-moi du Bourgogne, Bastien. Oh, bravo, bravo, le Bourgogne est tout à fait ce qu'il faut. Selon moi, du reste, c'est le meilleur des vins. Ah, vous avez bon goût en tout. La vérité m'oblige à dire que je ne me trompe rarement. Mais pourtant, cette fois-ci, vous vous trompez. En quoi, monsieur? En croyant que je mérite de tels soins. Monsieur le chevalier. Qu'y a-t-il? Pourquoi ce soupir? Je vais vous le dire. Voyez-vous, des attentions, j'en ai pour tout le monde. Mais ce qui m'attriste, c'est de penser qu'il n'y a que des ingrats. Oh, moi, je ne serai pas ingrat avec vous. Oh, quand il s'agit de vous... Ce n'est pas pour quêter des compliments que je fais mon devoir. Oh non, non, non, je sais parfaitement reconnaître. Je ne suis pas aussi rustre que vous le pensez. Je vous le répète, vous n'aurez pas lieu de vous plaindre de moi. Mais monsieur, ce n'est pas ainsi que je l'entends. À votre santé. Votre seigneurie me fait trop d'honneur. Excellent, ce vin. Le Bourgogne est ma passion. Ah mais, si vous en voulez un verre, c'est de bon cœur. Oh non, merci. Vous avez déjeuné? Oui, illustrissime. Mais alors, vous accepterez bien un petit verre? Je ne mérite pas tant d'amabilité. Allons, allons, en tout bien, tout honneur. Je ne sais que dire. Mais comment refuser une offre aussi courtoise? Donne un verre. Non, non, si vous permettez, je boirai dans celui-ci. Ah, mais je m'en suis déjà servi. Je connaîtrai vos pensées. Friponne. Mais il y a quelque temps que je suis sortie de table et... Et je crains que cela me monte à la tête. Oh non, il n'y a pas de danger. Si vous aviez la bonté de me donner un petit morceau de pain... Tenez, voici un graissin. Merci. Mais vous semblez mal à l'aise. Voulez-vous vous asseoir? Oh non, monsieur, ce ne serait pas convenable. Oh, allons, allons, nous sommes seuls. Donne un siège pour madame. Monsieur, monsieur, monsieur. Ah, si monsieur le marquis et monsieur le comte savaient cela, pauvre de moi. Hein, pourquoi donc? 100 fois, ils ont voulu m'obliger à boire ou à manger quelque chose avec eux. Et j'ai toujours refusé. Allons, asseyez-vous. Oh, c'est bien pour vous obéir. Ne dis à personne que j'ai fait un sort Mirandoline à ma table, hein? Ou gare! Ne venez rien, illustrissime. Je bois à tout ce que vous aimez, monsieur le chevalier. Merci, charmante hôtesse. Et quand je dis tout ce que vous aimez, les femmes, bien entendu, en sont exclues. Ah oui, pourquoi? Oh, je sais bien que vous ne pouvez voir les femmes. Oui, c'est vrai, je ne peux pas les voir. Puissiez-vous ne jamais changer? Je ne voudrais pas que... Quoi donc, monsieur? Je ne voudrais pas que vous me fissiez changer d'idée. Moi, monsieur? Comment pourrais-je? Bastien, oui, je voudrais des œufs. Va me préparer 2 œufs et quand ils seront prêts, apportez-moi. Comment les désirez-vous, vos œufs? Alors, comme tu voudras, dépêche-toi. Sur le plat? Oui, non, dur, très dur. Oh. Mirandoline. Mirandoline, vous êtes une femme charmante. Oh, monsieur, vous vous moquez de moi. Écoutez, je m'en vais vous dire quelque chose. Quelque chose de très vrai et qui tourne à votre gloire. Vous êtes la première femme en ce monde avec qui j'ai eu plaisir à causer. Vous savez, monsieur le chevalier, je crois n'y avoir aucun mérite. Non, ce sont de ces choses qui arrivent parfois, de ces sympathies qui naissent entre des personnes qui n'ont rien en commun. Moi aussi, ce que j'éprouve pour vous, je n'ai éprouvé pour personne d'autre. J'ai bien peur que vous ne vouliez me faire perdre le repos. Oh, voyons, monsieur le chevalier, vous êtes un sage, vous. Mmh. Et vous ne pouvez agir qu'en sage. La faiblesse, vous êtes étrangère. Mais si jamais vous deviez ne plus être vous-même, je vous assure que vous ne me verriez plus ici. Ah, certes, je ressens en moi un je ne sais quoi qui m'était jusqu'à présent inconnu. Mais je ne veux pas perdre la tête pour un homme. Et surtout pour un homme qui est les femmes. Et qui peut être désireux de m'éprouver pour ensuite mieux se moquer de moi. Mais c'est maintenant de me tenter par des propos inattendus. Oh. Allons, monsieur le chevalier. Encore un peu de Bourgogne, s'il vous plaît. Oh, mais certainement, certainement. Merci, merci infiniment. Et vous ne buvez pas? Hein? Ah, si, si, si, je bois, je bois. Monsieur le chevalier. Oui. Vous ne voulez pas trinquer? À la santé des bons amis. Et à la santé des bons amis. Et à la santé de ceux qui s'aiment. En tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur. C'est encore moi. Monsieur le marquis. Oh, excusez-moi. J'ai frappé, personne ne m'a répondu. Monsieur le chevalier, avec votre permission. Non, non, restez. Je ne me permets pas de telles libertés avec vous. Mais je vous demande pardon, mais nous sommes amis. Et je croyais que vous étiez seul. Je me réjouis néanmoins de vous trouver en compagnie de notre adorable hôtesse. Hein? Monsieur le marquis. En dites-vous, n'est-ce pas? Elle est exquise. J'étais là pour le service. Hein? Mais j'étais prise d'un léger malaise et monsieur le chevalier m'a donné un verre de Bourgogne pour me réconforter. C'est du Bourgogne que vous avez, là? Oui, c'est du Bourgogne. Du vrai Bourgogne? Ah, et du moins, on me l'a vendu comme tel. Attendez, moi, je m'y connais. Faites-le moi goûter et je pourrai vous dire si c'est ou non du vrai Bourgogne. Bien, bien. Bastien, ah, tu arrives à point. Donne un verre à monsieur le marquis. Mais pas trop petit, ce verre. Hein? Le Bourgogne n'est pas une liqueur pour l'apprécier et il faut en boire suffisamment. Voici vos œufs, illustrissime. Non, je n'ai plus faim, tu peux les remporter. Et d'ailleurs, comment, qu'est-ce que c'est que ce plat? Des œufs. Oh, horreur, des œufs. Monsieur le marquis, avec la permission de monsieur le chevalier, goûtez donc ce petit ragoût. C'est moi-même qui l'ai préparé. Oh oui, petit, un siège. Une fourchette. Allons, donne un couvert. Monsieur le chevalier, je me sens mieux maintenant, je vais m'en aller. Ah non, je vous en prie, restez encore un peu. Oh, mais monsieur le marquis, j'ai affaire. Et puis, monsieur le chevalier... Non, mais n'est-ce pas, chevalier, vous permettez qu'elle reste encore un peu. Mais hein? Que lui voulez-vous? Je voudrais vous faire goûter un vin de Chypre. Comme on n'en avait encore jamais bu. Et j'aimerais que Mirandoline le goûtât, elle aussi, et me dise ce qu'elle en pense. Allons, Mirandoline, pour faire plaisir à monsieur le marquis. Restez. Monsieur le marquis voudra bien me dispenser. Comment, mais... vous ne voulez pas goûter mon vin de Chypre? L'autre fois, excellence. Allons, restez. Vous me l'ordonnez? Je vous demande de rester. Je vous obéis. Demain, je serai à Livourne. Comment? Oh, rien, rien. Ce ragoût. Quelle finesse. Quel parfum. Quelle saveur. Le marquis va être jaloux que vous vous soyez assise à côté de moi. Que m'importe. J'ai l'impression que mes ennemis, les femmes, sont en train de se venger de moi. Pourquoi cela, monsieur Chevalier? Ah, petite masque, vous le savez très bien. Mon cher, hein? À votre santé. Eh bien, que dites-vous de mon Bourgogne? On va arriver en sparrel, il ne vaut pas tripette. Ah, vous savourerez mon vin de Chypre. Mais où est-il, ce fameux vin de Chypre? Allez, je l'ai là, dans ma poche. Vous allez voir, quel régal. Hein, c'est que mon vin de Chypre est du vrai, lui. Est-ce que je vois, monsieur le marquis ne veut pas que son vin nous monte à la tête? Oui, petit, des verres à liqueur. C'est un vin qui se boit avec respect. Une goutte de ce vin de Chypre vaut 10 bouteilles de ce Bourgogne. Ah non, mais trop grand, ces verres. J'ai dit des verres à liqueur. Allons, fais ce qu'on te dit. Et peut-être suffirait-il de humer ce nectar. Le fait est que mon vin de Chypre a un bouquet qui vous réjouit le cœur. Ces verres sont-ils assez petits? Oui. Merci. Vous allez voir, c'est de l'ambroisie, c'est de la manne distillée. Que dites-vous de cette lavasse? C'est de la rinçure de bouteille. Ah, eh bien. Alors, je n'ai jamais rien bu de pareil. C'est à la fois moelleux et dépouillé. N'est-ce pas? Et vous, aimez-vous Mirandoline? Moi, monsieur le marquis, j'admire ceux qui sont capables de feindre. Mais j'estime que lorsqu'on est capable de feindre pour quelque chose, on le peut pour d'autres choses. Cela dit, votre vin de Chypre ne me plaît pas du tout. Petit, trois verres propres. Des verres comme ceux-ci. Mais je crois, Mirandoline, que vous n'entendez rien à cette sorte de vin. Mais je ne vous en veux pas. Avec la permission de ton maître... Oui, tu vas aller chez le comte d'Alba Fiorite, hein, et tu lui diras de ma part, mais bien fort, hein, afin que les deux dames qui sont avec lui t'entendent, que je le prie de savourer un peu de mon vin de Chypre. À vos ordres, monsieur le marquis. Vraiment, marquis, vous êtes d'une générosité. N'est-ce pas? Demandez à Mirandoline ce qu'elle en pense. Il n'y a pas le moindre doute. Vous avez montré mon mouchoir au chevalier? Non, pas encore. Ah, elle vous le montrera. Je garde ce petit restant de baume pour ce soir. Prenez garde que cela ne vous fasse mal, monsieur le marquis. Oh, friponne. Vous savez bien qu'il n'y a qu'une chose qui me fasse mal. Laquelle? Vos beaux yeux. Ah, vraiment? Oh, chevalier, je suis éperdument amoureux de notre hôtesse. Oui, je vous plains. Vous n'avez jamais éprouvé d'amour pour une femme, sinon vous me plaindriez bien plus. Hein, sans doute. Et vous savez, je suis jaloux comme un tigre. Oh, je n'ai rien à dire là-dessus près de vous, parce que je sais que je n'ai rien à craindre de vous, sinon je ne l'aurais pas toléré, même pour 20 000 doublons. Écoutez... Monsieur le comte remercie son excellence, monsieur le marquis, et lui envoie cette bouteille de vin des Canaries. Moi, il voudrait comparer son vin des Canaries à mon vin de Chypre. On aura tout vu. Oh, le pauvre imbécile. C'est une saleté, son vin des Canaries. Et pas besoin d'y tremper les lèvres pour le savoir. Mais goûtez le don avant de le condamner. Quel goûter? Oh, pas question. Non, c'est là une impertinence, comme fait le comte. Une impertinence qui s'ajoute à beaucoup d'autres. Il veut toujours m'arabaisser. Il veut m'accabler, me provoquer, me pousser à bout, mais... Par le ciel, je lui revaudrai cela au centuple. Mirodeline, si vous ne le chassez pas, vous pouvez vous attendre au pire. Oui, au pire. Je suis quelqu'un, moi. Et je ne souffrirai pas de tels affronts. Ah, ce pauvre marquis est fou à lier. En tout cas, si d'aventure il devait avoir un accès de bile, il emportait la bouteille de vin des Canaries comme remède. Mais il est fou, vous dis-je. Et c'est vous qui l'avez rendu fou. Moi, je serais de celles qui rendent les hommes. Oui, oui, vous, vous êtes... Oh, monsieur le chevalier, avec votre permission. Non, restez. Alors, je vous demande bien pardon, mais je ne veux avoir la folie de personne sur la tête. Écoutez-moi, excusez-moi. Je vous ordonne de rester. De quel droit, je vous prie? Oh, non, je voulais dire, je vous en prie. Faites-moi la grâce de boire encore un verre de Bourgogne. Bien, mais vite, il faut que je m'en aille. Asseyez-vous. Oh, inutile, je suis très bien debout. Tenez. Le temps de porter une santé et je m'en vais. Oui. C'est une santé que je tiens de ma grand-mère. Vive le vin et vive l'amour, qui l'un et l'autre nous consolent. L'un nous va de la gorge au cœur et l'autre nous vient par les yeux. Oh, charmant, charmant. Mais où allez-vous? Oh, la matine, elle s'est échappée, elle s'est enfuie, me laissant mille démons pour me tourmenter. Votre illustrissime seigneur, il désire-t-elle que je serve les fruits? Toi, va-t'en au diable! Oh, maudit, je t'ai deviné. Tu veux m'abattre, tu veux m'assassiner. Oh, mais je serai plus malin que toi. Demain, je pars pour Livourne. Demain? Est-il prudent d'attendre demain? Qui me dit que si cette nuit je dors encore sous son toit, Mirandoline ne trouvera pas le moyen de parachever ma ruine? Bastien! Bastien! Où est-il encore fourré, cet animal? Bastien! Où étais-tu, Marot? Oui, ici, vous venez vous-même de m'envoyer. Oui, va trouver le valet de Madame Mirandoline et dis-lui de m'apporter ma note sur le champ. Oh, monsieur veut partir. Tu es encore là? Tout de suite. Pourtant, je dois l'avouer, à l'idée de m'en aller d'ici, j'éprouve une sorte de déplaisir. Ah, femme, femme, jamais je ne dirai assez de mal de vous. Lors même que vous nous voulez du bien, vous êtes nos plus grandes ennemies. Entrez. Est-il vrai que monsieur le chevalier a demandé sa note? Oui. Oui, enfin, je... Vous me l'apportez? La voici. Vous pleurez? Non. Ah, si, qu'avez-vous? Rien, monsieur, rien. Un peu de fumée qui m'est venue dans les yeux. Oh, de la fumée. Bien, bien. Oh, non, non, je voulais dire... Je suis désolé. Mais voyons à combien se monte ma note. 20 paoli? 20 paoli seulement pour 4 jours d'une hospitalité aussi large? C'est le prix habituel? Mais le déjeuner que vous venez de me servir n'est pas compté. Je n'ai pas coutume de faire payer ce que je donne. C'est un cadeau que vous m'avez fait. Pardonnez-moi d'avoir pris cette liberté. Et consentez à accès. Mais qu'avez-vous donc? Oh, toujours cette fumée, à moins que ce ne soit un courant d'air. Et je serais navré de penser que, qu'en préparant pour moi ce repas succulent, vous avez pu vous abîmer les yeux. Oh, s'il en était ainsi, je le souffrirais volontiers. Oh. Tenez, voici 2 doublons. Acceptez-les pour l'amour de moi. Oh non, enfin je veux dire, acceptez-les et excusez-moi. Oh. Et qu'avez-vous? Mirandoline! Voyons, Mirandoline! Elle s'est évanouie. Se serait-elle éprise de moi? Mais si vite. Mais pourquoi pas? Ne me suis-je pas épris d'elle, moi? Mon cher Mirandoline. Moi, appeler une femme chère? Oui, mais celle-ci s'est évanouie à cause de moi. Oh, oh, comme elle est belle. Mais il faudrait la faire revenir à elle. Comment? Je n'ai rien de ce qu'il faut sur moi. Ni flacon, ni élixirs. Oh là, quelqu'un! Oh, il n'y a personne. Oh, la pauvrette. Mais que faire, que faire? Je ne peux pas la laisser ainsi. Il faut absolument que j'aille chercher quelque chose, moi. N'importe quoi. N'importe quoi. Elle est encore évanouie. Oh, il faut vraiment qu'elle m'aime. Voyons, Mirandoline. Mirandoline, revenez à vous. Chère Mirandoline. Mais je suis encore là, vous voyez. Je ne suis pas encore partie. Mirandoline. Va-t'en. Mais vos bagages. Vas-tu t'en aller? Oh, oh mes cadeaux, madame Mirandoline, elle est morte. Va-t'en, je t'en prends la tête. Je m'en vais, Justicime, je m'en vais. Mon Dieu, son front qui est tout moite. Chère Mirandoline, un petit effort, hein? Ouvrez les yeux. Parlez. Parlez-moi. Oh, les mots sont importants. Mirandoline, qu'avez-vous? Mirandoline. Je l'ai appelée et elle est revenue à elle. Mes félicitations, monsieur le chevalier. Pour quelqu'un qui prétend ne pas pouvoir ouvrir les femmes. Quelle impertinence! On dirait que vous avez succombé. Oh! Et puis allez au diable, tous, autant que vous êtes. Le chevalier est devenu fou. Et il m'a bousculé en sortant. Voilà un affront dont il devra me donner satisfaction. Il a le cœur en feu, en flamme, en cendres. Afin de parfaire ma victoire, il ne me reste plus qu'à le forcer à se déclarer. Pour la plus grande honte des hommes présomptueux et le plus grand honneur de notre sexe. Vous allez me chercher un fer chaud. Bien, madame. Je te demande pardon de te déranger ainsi. Vous n'avez pas à me demander pardon, madame. Aussi longtemps que je mange votre pain, mon temps et ma personne sont à votre entière disposition. Un instant, je te prie. Écoute, Fabrice. Rien ne t'oblige à me rendre des services du genre de celui-ci. Mais je sais que si tu le fais, c'est volontiers. Et parce que c'est moi. Et crois bien. Mais j'en ai assez dit, n'est-ce pas? Oui, vous me le demanderiez que je serais capable d'aller vous décrocher la lune avec mes dents. Mais je suis bien bête. Bête, Fabrice, pourquoi? Pour ce que ça sert d'être gentil. Tu penses sans doute que je suis une ingrate? Il n'y a que la noblesse qui vous intéresse. Pauvre sot. Si je pouvais tout te dire. Mais allons, allons, cours me chercher un fer. Mais puisque j'ai vu moi-même, j'ai vu de mes propres yeux. Assez bavardé, Fabrice, mon fer, s'il te plaît. Bien, bien, je vais. Ah, les hommes sont tous pareils. Plus on les aime, plus ils sont difficiles à vivre. Comment? Que venez-vous de dire? Fabrice, veux-tu oui ou non aller me chercher ce fer? J'y vais, j'y vais. Allez, il comprend quelque chose. Madame Mirandoline. Y a-t-il, mon ami? Madame Mirandoline. Mon maître vous salue et m'envoie vous demander comment vous allez. Dites-lui que je vais très bien. Et puis mon maître a dit comme ça que vous buviez un peu de l'eau de mélisse qu'il y a dans ce petit flacon, que cela vous ferait du bien. Et pourquoi votre maître ne m'a-t-il pas donné de l'eau de mélisse quand j'étais prise de cet affreux malaise? C'est qu'alors il n'avait pas ce flacon. Et comment se fait-il qu'il l'ait maintenant? Écoutez, oui. Je m'en vais vous le dire en confidence. Tout à l'heure, mon maître m'a envoyé chercher un orfèvre. Mmh. Il y a acheté ce flacon. Mmh. Il a payé 12 sequins. Et puis après, il m'a envoyé chez l'apothicaire acheter de l'eau de mélisse. Vous riez, madame Mirandoline? Oh oui. Oh, je ris que votre maître m'envoie ce médicament. Comment on va les guérir? Ce médicament sera bon pour une autre fois. Bon, bien, je vais en prendre un peu, comme préventif. Tenez, et remerciez votre maître. Ah, mais ce flacon est à vous, madame Mirandoline. Comment cela, à moi? Ah oui, mon maître l'a acheté exprès pour vous. Exprès pour moi? Oui, exprès pour vous, mais motus. Rapportez-lui ce flacon et dites-lui que je le remercie. Voyons, Madame Mirandoli. Je vous dis de lui rapporter ce flacon, je n'en veux pas. Vous voudriez lui faire cet affront. Assez bavardé, faites ce que l'on vous dit, tenez. Oh, je n'insiste pas, je vais le lui rapporter. Quelle femme refusait un cadeau de 12 sequins. Voilà votre fer. Il est bien chaud, ce fer? Oui, madame, il est chaud. Mais qu'as-tu encore? Monsieur le chevalier vous envoie des ambassades. Monsieur le chevalier vous envoie même des cadeaux. Oui, monsieur le chevalier m'a envoyé un flacon en or. Ah. Et je le lui ai renvoyé sur le champ. Vous le lui avez renvoyé sur le champ? Oui. Pourquoi le lui avez-vous renvoyé sur le champ? Peut-être, pour que quelqu'un ne puisse pas dire. Quelqu'un? Qui ça? Oh, que t'importe. Allons, allons, ne parlons plus de cela. Oh non, madame. Non, chère Mirandoline, je vous demande pardon. Allons, parle, laisse-moi repasser. Mais non, mais je ne vous empêche pas de... Va me préparer un autre fer, hein? Et quand il sera bien chaud, apporte-le-moi. J'y vais. Mais croyez bien que si je... N'ajoute pas un mot, tu vas mettre en colère. J'obtiens quoi? Allez, comprendre quelque chose. Voilà qui n'est pas mauvais non plus. Je me fais un mérite aux yeux de Fabrice d'avoir refusé le cadeau du chevalier. C'est ce qui s'appelle savoir-vivre. Mirandoline. Mirandoline. Ah, monsieur Chevalier, je suis votre très humble servante. Comment vous sentez-vous? Très bien pour vous servir. Vous repassez? Mais oui, je repasse. Mirandoline, j'ai des raisons de me plaindre de vous. Pourquoi avez-vous refusé d'accepter le petit flacon que je vous ai envoyé? Qu'auriez-vous voulu que j'en fisse? Que vous vous en servissiez en cas de besoin. Oh, grâce au ciel, je ne suis pas sujette aux évanouissements. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui n'était jamais arrivé auparavant. Chère Mirandoline, je ne voudrais pas avoir été la cause de ce fâcheux accident. Je crains, hélas, que vous n'en ayez justement été la cause. Moi, vraiment? Et c'est ce maudit vin de Bourgogne que vous m'avez forcé à boire qui m'a fait mal. Comment? Il n'y a pas le moindre doute. Ou si maintenant, je ne mettrai plus jamais les pieds dans votre chambre. Oh, je vous entends. Je comprends ce que vous voulez dire. Je le comprends parfaitement. Mais je vous dis néanmoins, chère Mirandoline... Ah, ce fer n'est plus très chaud. Hé, hey, Fabrice! Si l'autre fer est chaud, apporte-le-moi. Faites-moi la grâce de garder ce flacon. Franchement, monsieur le chevalier, je n'accepte jamais de cadeaux. Mais vous acceptez bien pourtant ceux du comte d'Alba Fiorita. Je suis bien forcée, pour ne pas le contrarier. Ah, mais moi, peu vous chaud de me contrarier. Oh, que vous importe à vous qu'une femme vous contrarie, puisque vous ne pouvez pas voir les femmes. Chère Mirandoline, maintenant, je ne pourrai plus dire ça. À quelle heure la nouvelle lune, monsieur le chevalier? Mais le changement qui s'est opéré en moi n'a rien à voir avec la lune. C'est un prodige qui est dû à votre seule beauté, à votre seule grâce. Vous riez? Ah, vous ne voudriez pas que je rie. Vous vous moquez de moi et vous ne voudriez pas que je rie. Petite masque, je me moque de vous, n'est-ce pas? Allons, prenez ce flacon. Non, non, merci. Ah, prenez-le ou je me fâche? Fabrice, mon fer! Vous le prenez, oui ou non? Vite, vite, Fabrice. Bon, bon, je le prends. C'est tout le cas que vous en faites? Fabrice! Fabrice! Voici! Il est bien chaud, ce fer? Oui, madame. Mais qu'as-tu? On dirait qu'il y a de mauvaise humeur. Rien, madame, rien. T'es fatiguée? Allez, donnez-moi l'autre fer si vous voulez que je le mette sur le feu. Vraiment, j'ai peur que tu ne sois pas bien. Alors donnez-lui ce fer et qu'il s'en aille. Ah, vous savez, j'ai beaucoup d'affection pour Fabrice. C'est mon homme de confiance. Ah, tant mieux. Tiens, mon cher Fabrice, voici mon fer. Et le réchauffer. Mon cher Fabrice. Oh, patronne. Allons, allons, dépêche-toi. Allez y comprendre là. Quelque chose. Ah, vraiment, madame, vous êtes d'une amabilité avec votre valet. Que voulez-vous dire par là, je vous prie? Oh, on voit bien que vous en êtes éprise. Moi, m'éprendre d'un valet? Vous me faites un beau compliment, monsieur. Mais sachez que je n'ai pas le goût aussi bas. Si je voulais aimer, je regarderais plus haut. Chère Mirandoline... Mais vous ne pourriez pas cesser un instant de repasser? Ah, je suis désolée, mais il faut que ce linge soit prêt pour demain. Ah, pour vous, ce linge est plus important que moi. Bien sûr. Ah, vous êtes vraiment d'une franchise. Mais pourquoi ne serais-je pas franche? J'ai besoin de ce linge. Tandis que moi... Tandis que vous... Vous, vous êtes quelqu'un sur qui je ne puis absolument pas compter. Mais bien au contraire, je suis quelqu'un dont vous pouvez disposer à votre guise. Oh, voyons, monsieur le chevalier. Vous oubliez que je suis une femme. Oh, ne me tourmentez plus. Vous êtes suffisamment vengée. Mais je vous estime, vous. J'estime les femmes qui sont comme vous, si tant est qu'il en existe. Bien, monsieur Chevalier, nous le leur dirons. Mais croyez-moi. Oh, mais vous n'avez pas cette peine. Si, vous méritez d'être servi. Vous riez encore. Moi, je ris encore parce que vous vous moquez encore de moi. Mirandoline, je n'en puis plus. Vous trouvez mal? Oui. Oui, je me sens défaillir. Tenez, voici votre eau de mélisse. Oh, ne me traitez pas avec cette dureté. Je vous aime. Mais croyez-moi, je vous aime. Aïe! Oh, excusez-moi, je n'ai pas fait. Non, ce n'est rien. Je vous dois une brûlure plus profonde. Où ça, monsieur? Au cœur. Fabrice! Ah, je vous en prie, n'appelez pas ce garçon. Oh, mais j'ai besoin de mon autre femme. Attendez, je vais chercher mon valet. Fabrice! Je vous jure par le ciel que s'il vient, je lui fends la tête. Mais voilà qui est mieux que tout. Je n'ai pas le droit de donner les ordres à mes gens. Appelez-en un autre. Celui-là, je ne peux pas le voir. Il me semble, monsieur le chevalier, que vous allez un peu trop loin. Excusez-moi, je suis hors de moi. Je vais courir moi-même à la cuisine, comme ça vous serez satisfait. Non, cher Mirandoline, restez. Oh, on n'a jamais vu ça. Pardonnez-moi. Je ne puis plus appeler qui je veux. Je l'avoue, je suis jaloux de ce garçon. Pour la première fois, je me rends compte de ce que peut être l'amour. Personne ne m'a jamais donné d'ordre. Mais je n'entends pas vous donner des ordres, je vous supplie. Mais à la fin, que voulez-vous de moi? Amour, compassion, pitié. Un homme qui ce matin se vantait de haïr les femmes implorerait de moi amour et pitié. Oh non, c'était pas possible. Je ne puis le croire. Et je m'en vais chercher mon frère. Mirandoline! Maudit soit l'instant où j'ai commencé à la regarder. Je suis tombé dans le piège. Ah, il n'y a plus de remède. Voyez, tout à l'heure, on m'avait bousculé. Mais excusez-moi, ce fut un accident. En bousculant, vous m'avez, comme qui dirait, insulté. Et en même temps, vous avez taché mon habit. Je ne l'ai pas fait exprès. Encore une fois, excusez-moi. C'est là une impertinence. Je vous en donne satisfaction. Ah, mais je suis à votre disposition. Vous ne me faites pas peur, vous savez. Non, je crains que cette tâche ne veuille pas s'en aller. C'est pourquoi je me suis mis en colère. Mais quand un gentilhomme vous demande de l'excuser, que vous faut-il de plus? Bon, non, si vous ne l'avez pas fait par malice, n'en parlons plus. Je vous répète que je suis prêt à vous fournir toutes les satisfactions que vous désirez. Bon, n'en parlons plus, Monsieur, vous n'êtes qu'un mal appris. Ah, ben, elle est bonne, celle-là. Ma colère est passée et vous vous employez à la faire revenir. Prenez-le comme il vous plaira. Oui, oh. J'aurai de l'indulgence pour vous, allez. Je sais ce qui vous taquine. Je ne m'occupe pas de vos affaires, ne vous occupez pas des miennes. Monsieur l'ennemi des femmes a succombé, lui aussi. Moi? Qu'est-ce que vous racontez? Eh oui, vous voilà amoureux. Oh, le diable vous emporte. Ah, mais à quoi bon dissimuler? Ah, laissez-moi tranquille, hein. Ou par le ciel, je vous en ferai repentir. Eh oui, le voilà amoureux. Mais il en a honte. Il ne voudrait pas que cela se sue. Mais peut-être ne veut-il pas que cela se sache, parce qu'il a peur de moi. Ouais, il doit redouter de se déclarer pour mon rival. Bon, cette tâche m'ennuie beaucoup. Si je savais comment la faire disparaître. Oui, les ménagères ont souvent de la terre pour enlever les taches. C'est... Oh, quel joli flacon. Il est en or ou en plaqué? Oh, il est sûrement en plaqué s'il était en or. On ne laisse pas traîner ainsi. Il contient peut-être de l'eau de la reine, auquel cas je serais sauvé. Hein? Ah non. Non, c'est de l'eau de mélisse. Et de la meilleure, je crois. Tiens, monsieur le marquis. Que faites-vous là tout seul? Oh, j'espérais votre visite. Oh, chère comtesse, je me préparais justement à venir vous saluer. Qu'étiez-vous en train de faire? Je vais vous le dire. Je suis un maniaque de la propreté. Et je ne sais comment faire disparaître cette petite tache que j'ai là sur la manche. Moi, j'ai un secret pour faire partir les taches. Ah? Oh, enseignez-le-moi, je vous en serai reconnaissant. Ah, volontiers. Je m'engage avec un écu à faire partir cette tache. On ne verra même plus où elle était. Ah, il vous faut un écu? Oui, monsieur le marquis. Oui, oh, bon. Après tout, cette tâche ne se voit pas tellement, hein. Oh! Le joli flacon! Vous permettez? Oh, il est à vous? Ah, comtesse, s'il était digne de vous, c'est à vous qu'il serait maintenant. Comment refuser un cadeau aussi galamment offert? Merci, monsieur le marquis, merci. Non, vous n'avez pas gardé ce flacon. Mais si. Et je m'en vais même le garder précieusement, puisqu'il me vient de vous. Mais il n'est pas en or, vous savez. Tant mieux, cela m'est à l'aise. Moi, dans un cadeau, ce que j'estime le plus, c'est l'intention. Ah. Il me tarde de le montrer à mon ami Hortense. Comtesse, ne le montrez pas à Mirandoline. C'est une cancanière. Je ne sais si vous me comprenez. Je vous comprends parfaitement, ne vous inquiétez pas. Au revoir, monsieur le marquis. Encore merci. À ma foi, si ce flacon avait été en or, j'étais frais, moi. Enfin, ma générosité ne m'aura pas coûté trop cher. Si Mirandoline me réclame son flacon, ben, je le rembourserai. Quand j'aurai de quoi. Diable, faut-il bien être. Tu cherches quelque chose, petit? Un flacon d'eau de mélisse. Madame Mirandoline le demande. Elle dit l'avoir laissé ici, mais je le trouve quoi. N'est-ce pas un petit flacon à plaquer? Non, monsieur le marquis, en or, un petit flacon en or. En or? Bien sûr qu'il est en or. Je l'ai vu de mes propres yeux payer 12 sequins. Comment 12 sequins? Oh, et quelle idée aussi de laisser traîner un flacon en or? Madame Mirandoline le demande et moi je ne le trouve pas. Non, je ne peux pas croire qu'il soit en or. Il est en or, vous dis-je. Mais votre Excellence l'a peut-être vu. Et moi? Ah non, non, non, je ne l'ai pas vu. Bien, je vais lui dire que je ne le trouve pas. Tant pis pour elle, elle avait qu'à le mettre dans sa poche. Oh, pauvre homme. Oh, infortuné marquis de Forlipopoli. J'ai donné à la comtesse un flacon en or, un flacon qui vaut 12 sequins. Oh, comment me tirer d'une si fâcheuse affaire? Moi, si je reprends ce flacon à la comtesse, je me couvre de ridicule à ses yeux. Mais si Mirandoline apprend que j'ai pris son flacon, mon honneur est en péril. Je suis gentilhomme. Il faut que je rembourse. Moi, je rembourserai. Hélas, je n'ai pas d'argent. Eh bien, marquis, que dites-vous de la chose? Elle est plutôt piquante, vous ne trouvez pas? De quoi s'agit-il? Notre sauvage chevalier, le contempteur des femmes, est amoureux de Mirandoline, et elle le paie de retour. Oh, si cela était... Non, mais cela ne peut être. Pourquoi cela ne peut-il être? Songeriez-vous à mettre le chevalier au même rang que moi? N'avez-vous pas vous-même vu Mirandoline assise à sa table? A-t-elle jamais consenti à faire de même avec nous? Non. Et pour lui, le linge de choix. Et lui, on le sert le premier. Et on lui sert en outre des petits plats préparés par elle-même. Fabrice est vert de jalousie. Et cet évanouissement, qu'il soit vrai ou fin, n'est-il pas une preuve manifeste d'amour? Comment? Pour lui, on cuisine de savoureux ragoûts. À moi, on me sert du bouilli filandreux et de la soupe réchauffée. C'est vrai. C'est là un camouflet à mon rang. À ma condition. Et moi qui ai tant dépensé pour elle. Mais moi qui l'ai comblé de cadeaux. Je lui ai même fait boire de mon vin de Chypre. Un vin qui n'a pas de prix. Je suis sûr que le chevalier n'a pas fait pour elle le millième de ce que nous avons fait, nous. Il lui a fait au moins un cadeau. Ah oui. Et quoi donc? Un petit flacon d'eau de mélisse en or. Oh! Quoi? C'est effroyable. Ah oui, Mirandoline est une ingrate. Je suis décidé à ne plus m'occuper d'elle. Et je vais quitter sur le champ cette auberge indigne de moi. Vous avez raison. Et vous, qui êtes un vrai gentilhomme, vous devriez m'imiter. Certes, mais où elle est? Oh, laissez-moi le soin de vous trouver un logement. Un logement, mais de quel genre? Bon, nous irons chez un de mes compatriotes, cela ne nous coûtera rien. Oh, plus un mot. Vous êtes trop, mon ami, pour que je puisse vous dire non. Allons, et vengeons-nous de cette femme sans cœur. Oui, allons. Non, c'est-à-dire... Ah non, venez pas sur votre décision, marquis. Partons d'ici, faites-moi ce plaisir. Et si jamais vous avez besoin de quelque chose, je suis votre homme. Oui, écoutez, il faut que je vous dise... vous mettez en confidence, n'est-ce pas? Oui. Surtout que personne ne le sache. Oui. Oui, mon métayer est parfois en retard pour me payer ses redevances. Mais sans doute, vous devez quelque chose à Mirandoline. Oui. Oui. 12 sequins. 12 sequins? Il faut qu'il y ait des mois que vous n'ayez pas payé. Je lui dois 12 sequins. Oui. Et je ne peux m'en aller sans avoir acquitté cette dette. Tenez. Vous voici 12 sequins. Oh, merci, mon ami. Merci. Mais je vous rendrai cela dès que possible. Oh, hein? Quand il vous plaira, vous savez, l'argent ne me manque pas. Et pour me venger de Mirandoline, je dépensais 1000 doublons. Je veux faire la ruine de cette auberge. J'en ai déjà fait partir ces deux comédiennes. Ces deux comédiennes, mais où étaient-elles? Je ne les ai pas vues. Monsieur la comtesse et la baronne. Quoi, ce n'étaient pas des femmes de qualité? Non, ce sont deux petites comédiennes. Oh. Leurs camarades sont arrivés, elles sont redevenues elles-mêmes. Oh, le flacon! Comment? Orie, où l'achetais-tu? Dans une hôtellerie voisine du théâtre. Bon, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Il est fou. Tout le monde est fou. Ouvrez-moi! Faites-moi la grâce d'aller dans votre chambre et de m'y attendre. Je vous rejoins tout de suite. J'y vais. Mais si vous ne venez pas, gare à vous! Fabrice! Fabrice! Ah, ce qui serait beau, c'est si maintenant Fabrice, pour se venger, ne voulait pas. Mais non, il n'y a pas de danger. Fabrice! Vous m'avez appelé? Viens là. Je veux te faire une confidence. Je vous écoute. Sache que le chevalier de Ripafrata vient de me faire une déclaration d'amour. Si vous vous figurez que je ne m'en suis pas aperçu. Ah, tu t'en étais aperçu? Eh bien, pas moi. Oh, pauvre innocente, vous ne vous étiez aperçue de rien, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas vu les grimaces qu'il vous faisait pendant que vous repassiez? Et la jalousie qu'il avait pour moi? Oh, j'ai trop peu de malice pour prêter attention à ce genre de choses. Oh. Enfin, toujours est-il qu'il m'a dit certaines paroles qui, en vérité, Fabrice, m'ont fait rougir. Voilà à quoi cela vous expose d'être une femme seule, sans personne pour vous protéger. Si vous étiez mariée, il en irait différemment. Oui, oui, je crois que tu as raison. Aussi, je songe à me marier. Ah oui? Et... On frappe. Qui est là? Ouvrez-moi! C'est lui. Que désirez-vous, monsieur? Attends que je sois partie. Mais de quoi avez-vous peur? Je ne sais pas, cher Fabrice. Peut-être ai-je peur pour ma vertu. Mais ne craignez rien. Je vous défendrai. Ouvrez-moi, regarde! Que désirez-vous, monsieur? Et pourquoi frappez-vous si fort? Est-ce ainsi qu'on se conduit dans une auberge respectable? Ouvrez-moi cette porte, mon Dieu! Holà, holà, quelqu'un! Il n'y a personne! Que se passe-t-il? Oh, la garde! Chevalier de Ripafrata veut forcer cette porte! Ouvrez-moi ou je l'enfonce! Peut-être est-il devenu fou, allons-nous-en. Ouvrez-lui, je désirais justement lui parler. Je vais lui ouvrir, mais je vous supplie, monsieur... Ne craignez rien, nous sommes là. Que désirez-vous, monsieur? Où est Mirandoline? Je n'en sais rien. Ah, la scélérate, je la trouverai bien. À qui en avez-vous? Hein? Nous sommes amis, vous et moi, chevalier. Que voulez-vous à ma patronne, monsieur? Moi, je n'ai pas de compte à te rendre. Quand je commande, je veux être obéi. Je paie de mes deniers pour ça. Et je jure par le ciel que ta patronne va avoir affaire à moi. Votre illustrissime seigneurie paie de ses deniers pour qu'on la serve dans les choses licites et honnêtes. Mais que votre seigneurie me pardonne, elle ne peut prétendre qu'une femme honorable... Peut prétendre quelqu'un ou je te ronds le crâne, moi. Je m'étonne qu'un gentilhomme comme vous... Allez-vous-en, Fabrice. Allez, déguerpis, Fabrice. Non. Et moi, je vous dis que si ça... Allez, va-t'en. Oh, quelle vie. C'est scandaleux. Monsieur le chevalier, il est malséant de se moquer des faiblesses d'autrui quand on a un cœur aussi fragile que le vôtre. Entendez-vous par là, je vous prie? Je sais à quoi attribuer votre fureur. Marquis, comprenez-vous de quoi il parle? Ah, monsieur, moi, mon cher, je ne sais rien. C'est de vous que je parle. De vous qui, prétextant ne pas pouvoir souffrir les femmes, avez tenté de me ravir le cœur de Mirandoline. Un cœur, monsieur, que j'avais déjà conquis. Monsieur ridicule, enfin, Marquis. Tiens, à moi, je me tais. C'est à moi qu'il faut vous adresser, chevalier. À moi qu'il faut répondre. Mais sans doute êtes-vous honteux de votre vilain procédé. Je suis honteux de vous avoir écouté aussi longtemps sans vous dire que vous mentiez. Moi, menteur? Mais qu'est-ce qui vous autorise à dire que... Marquis, Le comte ne sait pas ce qu'il raconte. Ah oui, moi je suis en dehors de tout cela, je ne veux pas m'en mêler. Hein. C'est vous qui êtes un menteur, chevalier. Messieurs, je vous laisse. Ah non, non, non, non, non, non, restez. Et vous allez me rendre raison. Oui, je m'en vais vous rendre raison, marquis, donnez-moi votre épée. Non, voyons, voyons, calmez-vous tous les deux. Enfin, mon cher comte, que vous importe à vous que le chevalier aime Mirandoline? Moi aimer cette... Ah, mais ce n'est pas vrai. Et celui qui le dit est un menteur. Un menteur? Oui. Si quelqu'un ment, ce n'est pas moi, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et qui est-ce alors? Ah. C'est moi qui le dis. Et je le soutiens. Et vous ne me faites pas peur. Marquis, donnez-moi votre épée. Mais voyons, chevalier. Vous êtes donc mon ennemi, vous aussi? Moi? Oh non, non, non. Je suis l'ami de tout le monde. Chevalier, vous vous êtes conduit indignement. Par le ciel! Votre épée, Marquis. Vous me manquez de respect, chevalier. Si vous vous considérez comme offensé, je suis prêt à vous donner satisfaction. À vous aussi. Ah, mais vous êtes trop bouillant, vraiment. Chevalier, j'exige satisfaction. Ah, je suis à vous tout de suite. Non, vous n'y arriverez pas, cette épée ne vous connaît pas. Ah, mais c'est infernal! Non, vous n'y arriverez pas, vous dis-je. Ma patience est à bout. Ah! Enfin! Qu'est-ce que c'est que ça? Cette épée n'a pas de lame? Vous m'avez cassé mon épée. Et où est le reste? Hein? Il n'y a rien dans le fourreau. Oh, oui, c'est vrai. Je ne me rappelais plus que je l'avais brisé lors de mon dernier duel. Laissez-moi me pourvoir d'une épée! Je jure par le ciel que vous ne m'échappez pas. Vous échappez? Je suis prêt à vous affronter avec ce tronçon de lame. C'est une lame espagnole. Elle n'a peur de rien. Mettez donc une sourdine à vos bravades, monsieur. Oh! Oh, je vous tuerai, arrière! Arrêtez, messieurs! Arrêtez, messieurs! Mais que nous veut-elle? Oh, que vous messieurs, les pieds à la main! Mais vous voyez, Mirandoline, tout cela à cause de vous. Comment cela, à cause de moi? Oui, monsieur le chevalier que voici est amoureux de vous. Moi, amoureux? Ah, ce n'est pas vrai, vous mentez. Non. Monsieur le chevalier amoureux de moi? Oh non, monsieur le comte, vous faites erreur. Je puis vous assurer que vous faites certainement erreur. Oh, si vous êtes de mèche avec lui. Oui, cela se sait, cela se voit. Qu'est-ce qui se sait, marquis? Qu'est-ce qui se voit, marquis? Je dis que lorsque cela est, cela se voit, et lorsque cela n'est pas, ce ne se voit pas. Oh, monsieur le chevalier amoureux de moi, il le nie. Et en le niant devant moi, il m'humilie. Il me fait connaître sa fermeté et ma faiblesse. Oui, la vérité m'oblige à dire que j'ai tenté de rendre monsieur le chevalier amoureux de moi. Ah. Mais je ne suis arrivée à rien. N'est-ce pas, monsieur le chevalier? Oh, tout cela est ridicule. Et... Voyez-le, Mirandoline, il se trouble. Il n'ose pas le nier. Ah, vous, marquis, taisez-vous. Vous ne savez pas ce que vous dites. Oh, hein. Chevalier, c'est toujours à moi que vous en prenez. Oh, monsieur le chevalier n'est pas de ceux qui s'enflamment. Il connaît trop bien la chanson. Il connaît trop la fourberie féminine. Les larmes même ne le convainquent pas. Quant aux évanouissements, il ne fait qu'en rire. Elles sont donc feintes, les larmes de femmes? Ils sont donc mensongers, leurs évanouissements? Comment est-ce que vous ne le saviez pas? Ou bien feignez-vous de ne le point savoir? Par le ciel! Une telle rouerie mériterait que... Oh, monsieur le chevalier, ne vous emportez pas! Sinon, ces messieurs vont croire que vous êtes vraiment amoureux. Il l'est! Il ne peut plus le dissimuler! Ça se voit rien qu'à ses yeux! Non, je ne le suis pas, marquis! Oui, c'est toujours à moi qu'il s'en prend. Non, messieurs, il n'est pas amoureux. Je le dis, je le soutiens, et je suis prête à le prouver. Honte! À un autre moment, vous me trouverez armé d'une épée et non de ceci. Oh, attention! Monsieur le chevalier, vous n'en allez pas. Votre réputation est en jeu. Ces messieurs croient que vous êtes amoureux de moi, il faut les détromper. C'est tout à fait inutile. Non, monsieur le chevalier, attendez un instant. Chevalier, vous ne pouvez vous dérober ainsi. Restez. Bien, je reste, mais... Messieurs, le signe d'amour le plus certain, c'est la jalousie. Oui. Si monsieur le chevalier m'aimait, il ne pourrait souffrir que je fusse à un autre. Mais il va le souffrir. Et vous verrez... À qui voulez-vous être? À celui qui a toujours occupé mon cœur. C'est moi. Non, non, monsieur le marquis. C'est moi, n'est-ce pas, Mirandoline? Ah non, monsieur le comte, ce n'est pas vous non plus. C'est sans doute de moi que vous voulez parler, madame. Oui, cher Fabrice. Et c'est à toi qu'en présence de ces gentilshommes, je veux accorder ma main. Bravo! Mariez-vous et je vous promets 300 écus. Mirandoline, mieux vaut un œuf aujourd'hui qu'une poule après-demain. Mariez-vous et je vous donne sur le champ 12 sequins. Merci, mes bons messieurs, merci. Mais je n'ai pas besoin de dot. Je suis une pauvre femme sans grâce, sans esprit, incapable de tourner la tête à une personne de mérite. Mais Fabrice m'aime. Et présentement, devant vous, je le prends pour mari. Oui, maudite, épouse qui tu voudras. Je sais que tu m'as berné. Je sais que tu triomphes au fond de toi-même et t'enorgueillis de m'avoir humilié. Et je vois à quelle épreuve tu voudras encore soumettre ma patience. Tu mériterais d'être payé de toutes tes tromperies par un coup de poignard dans le sein. Mais ce serait doublement m'avilir. Je vais fuir ton odieuse présence, maudissant tes agaceries, tes larmes, tes mensonges. Car tu m'as fait apprendre à mes dépens que pour vaincre tes pareils, il ne suffit pas de les mépriser. Il faut les fuir, comme la peste. Eh bien, après cela, il pourra toujours nous dire qu'il n'était pas amoureux de vous, Mirandoline. Ouais. S'il me traite encore de menteur, foi de gentilhomme, je le provoque. Ah, doucement, messieurs, doucement. Le chevalier est parti. Et s'il ne revient pas et que la chose n'aille pas plus loin pour moi, je pourrais dire que j'ai eu de la chance. Le pauvre. J'ai réussi à le rendre amoureux de moi. Mais je viens de courir un grave danger. Allons, ne parlons plus de cela. Fabrice, viens ici, mon cher, et donne-moi ta main. Ma main. Tout doux, madame, tout doux. Mais comment cela, tout doux? Qu'y a-t-il? Pourquoi hésites-tu? Allons, ta main. Je voudrais que, d'abord, nous nous mettions d'accord sur certains petits points. Et quels petits points? C'est à prendre ou à laisser. Tu m'épouses ou bien tu retournes dans ton pays? Ah, mais pour vous épouser, je ne demande pas mieux. Mais ensuite... Ensuite, oui, cher Fabrice, je serai tout à toi. Ne doute pas de moi. Je t'aimerai toujours. Oh, Mirandoline, Mirandoline, je ne résiste plus. Alors, voici réglé une affaire de plus. Mirandoline, vous êtes une femme de tête. Vous avez l'habileté de conduire les hommes où vous voulez. Voix de gentilhomme, vous êtes une magicienne. Et s'il est vrai que je puisse compter sur la bonté de vos seigneuries? Oh. Il est une dernière grâce que je voudrais leur demander. Parlez. Je vous écoute. Oh, que va-t-elle encore inventer? Je vous supplie d'avoir l'extrême bonté de vous chercher une autre auberge. Bravo! À présent, je suis sûr que vous m'aimez. Oui, je vous comprends et vous admire. Je vais partir, mais où que je sois, n'oubliez pas que vous avez toute mon estime. Cher Mirandoline, n'avez-vous pas perdu un petit flacon en or? Ah, mais si, monsieur le marquis. J'allais retrouver, tenez-le bien ici. Mais pour vous complaire, je vais moi aussi m'en aller. Mais sachez qu'en tout lieu, ma protection vous est acquise. Les sentiments que vous m'exprimez là me sont chers, dans la limite permise par les convenances et la vertu. En changeant d'état, je veux aussi changer ma manière d'être. Et vous, messieurs, faites votre profit de ce que vous venez d'entendre pour le plus grand bien et la sécurité de votre cœur. Et si jamais vous vous trouviez sur le point de succomber aux agaceries de mes pareils, rappelez-vous les tours et les ruses de la locandiera.